puis pendant la traque au cinéma, à fouillant sa chaise. Il était long de nez. Ma chaise, voir s'il n'y aura pas de micro. Il était tard. Tu te le donnes. T'as pas d'ordre. Ça va être des questions du passé. Eh oui. Certaines de nos anciennes vies sont nécessairement responsables de nos plus grandes qualités, oui ou non? Absolument. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas se débarrasser ou empêcher les réincarnations de venir. Il y a même des personnes avec lesquelles je travaille où on s'arrange pour créer des stratégies pour aller chercher les réincarnations qu'on veut aller chercher. Parce que ce n'est pas nécessaire qu'on reste associé aux réincarnations familiales. Il y en a des réincarnations familiales qui sont extrêmement positives, extrêmement bonnes. Il y a plusieurs réincarnations aussi parmi les amis de nos familles, parmi les ennemis de nos familles, à travers les temps, qui sont extrêmement bonnes. Il y a des qualités à travers les mémoires réincarnationnelles et il y a des défauts. Mais quelle que soit la mécanique réincarnationnelle, si elle domine la conscience instantanée d'une personne actuellement, elle est négative, elle est dangereuse. Alors, c'est évident qu'il y a une grande partie de ce qu'on est au niveau de l'information, au niveau, par exemple, de la capacité de supporter des énergies qui sont planétaires, au niveau de l'énergie pour régir la santé, régir la finance, régir les relations humaines, éduquer, s'éduquer. Il y a énormément de mémoires à aller chercher qui sont intéressantes. Ce ne sont pas les mémoires que l'on va chercher, que l'on contrôle, qui dérangent. C'est les mémoires qui viennent nous chercher et qui nous contrôlent. Alors, c'est absolument évident. Il y a des façons d'aller chercher. Il y a tellement d'énergie placée dans le monde de la mort, donc dans le ciel, qui peuvent être bénéfiques dans leur qualité à l'humain. Alors que toutes les énergies seront bénéfiques à l'humain dans leur quantité, c'est-à-dire par le fait qu'elles sont des énergies, mais on ne doit pas être coloré par l'information qu'elles contiennent. Par exemple, moi je peux, comme j'expliquais à un moment donné, quelqu'un étudie pour être avocat, la meilleure chose à faire pour comprendre les cours de droit, c'est de temps en temps de se pointer dans des cours où il y a des jugements avec des avocats. Et progressivement, il doit s'habiller le plus en plus près possible de la classe de l'avocat ou d'un avocat qui cible, par exemple, j'aimerais me rapprocher de cette façon-là. Alors, il va essayer de se rapprocher de lui. Alors, il va réincarner ce que lui a attiré comme réincarnation dès le départ. Et en même temps, il va réincarner des mémoires d'avocat qui vont lui permettre de comprendre bien plus facilement ses cours quand il va suivre ses cours de droit. Parce qu'il y a des choses que ça, c'est évident. L'autre, il ne comprend pas, il va y expliquer. Pourquoi c'est évident? C'est parce qu'il commence à réincarner l'expérience des avocats. Sauf que si, disons, que la majorité des avocats sont alcooliques, mais là, maintenant, de faire attention, lui, pour ne pas être digéré par les réincarnations qu'il va aller chercher, parce que, lorsqu'il va commencer à pratiquer, il va progressivement devenir alcoolique. Il faut vraiment que ce soit un outil et qu'on s'en serve, et non pas qu'on le serve, comme tu disais tantôt. Oui, c'est un peu comme je vais couper un arbre pour me faire une table. Est-ce que c'est nécessaire que l'écorce, puis les racines, puis tout soit là? Non, j'ai ôté les chenilles, j'ai ôté l'écorce, j'ai coupé mes planches. Alors, la réincarnation qu'on va chercher, c'est un peu la même chose. On va chercher quelque chose, puis on ramasse ce qu'on a besoin. Et ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas avantageux ou intelligent ou rythmé avec ce qu'on veut faire, sont de s'arranger pour soit le digérer. Le digérer, ça veut dire qu'on accepte de prendre d'énergie, mais pas l'information. Ou on doit simplement le rejeter. Puis le rejeter, c'est relativement facile quand la personne commence à être de plus en plus consciente de ce qu'elle est et qu'elle met de plus en plus en application ce qu'elle est. Donc, elle laisse fructifier chez elle ce qu'elle a comme... pas comme qualité, c'est pas des qualités, comme potentiel, qu'elle laisse ressortir ce qu'elle a comme intelligence et comme énergie. Puis l'intelligence, c'est pas la capacité de comprendre tout ce qui se passe dans des livres ou comprendre la bourse ou un coup. C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de toujours agir d'une façon esthétique et aristocrate dans n'importe quelle circonstance. Et quand je parle d'aristocratie, je parle toujours de la fonction de pouvoir et de contrôle. Je ne parle pas de l'aristocratie véreuse, à un moment donné, qu'on a connue à travers certaines structures. Il y a eu des aristocraties géniales qui ont développé la médecine, qui ont développé les arts, les sciences, qui ont développé pas quelque chose. Et à un moment donné, l'aristocratie décadente, puis l'aristocratie qui a de l'allure, qui est décadente après, de cycle réincarnatif en réincarnatif. Les décadents aristocrates, c'était toujours les mêmes, qui se réincarnaient de cycle en cycle pour aller décader les structures. Hein? Il y a des cycles de guerre, il y a des cycles de décadence, il y a des cycles de ceci, des cycles de cela. Et c'est simplement parce que c'est les mêmes phénomènes qui viennent en concentration dans certains moments donnés. Or, l'humain peut effectivement aller chercher les réincarnations qu'il a besoin en adoptant une attitude psychologique, une attitude endoformique, son vêtement, sa démarche, sa façon de parler. Celui qui se tient près des gens qui ont de l'argent, quand je dis près, là, c'est pas de prêt, mais celui qui se tient avec du monde qui sont X, ben, il va progressivement devenir comme cela. Mais de ne pas ramasser les torts. Si tu es dans un couple ou une famille ou dans dans un rayon assez petit, là, il y a quelqu'un qui réincarne un type de personnage ou un type de personnalité, est-ce que ça va influencer la réincarnation de ceux qui sont alentour? Oui, à cause de l'imprégnation. C'est-à-dire que chaque personne impose plus ou moins son espace psychologique à autrui. Donc, nécessairement, toi, tu es manipulé par ce que je suis et tu es surtout manipulé par ce qui vient t'incarner. Bon, entre autres, nécessairement, on pourrait considérer que tes réincarnations et ce que je t'influence peut être manipulé par ta conscience, quand tu es suffisamment lucide. Mais c'est évident que mon contact va nécessairement te colorer parce que mon contact, premièrement, si on est capable d'être amis, c'est parce qu'on a des expériences communes. Les amis ont toujours les expériences. Oh, mais là, est-ce qu'on est amis parce qu'on a des réincarnations qui se connaissent ou est-ce qu'on se connaît et qu'on attire des réincarnations? On est amis parce qu'on a des expériences réincarnationnelles communes, première chose. Et nécessairement, on va attirer des réincarnations parce que moi, là, si je suis un tel que je réincarne, puis que je suis, mettons, deux personnages, il y en a un qui t'a déjà connu, c'est pour ça que là, on se connaît bien, puis qu'on s'apprécie bien, puis qu'on est télépathe, puis pas quatre choses. Mais mon autre personnage, tu ne l'as pas chez toi, sauf que progressivement, il y a des chances que du monde astral, ça s'incarne un de mes amis de l'autre personnage. Alors là, c'est ma présence qui va faire en sorte qu'on va attirer les choses. Mais c'est évident que si ma présence, tu l'aimes, ce qui va s'incarner chez toi est aussi en affinité avec ce que tu es. Parce que si tu aimes ma présence, c'est que tu aimes tout ce que je suis, puis tout ce que j'exprime en tant qu'être manipulé. Donc, nécessairement, ça va attirer des mécaniques qui vont aussi être en conformité avec ce que tu es toi. Puis là, si on devient conscient tous les deux, c'est évident que plus on va se parler au niveau de la conscience, plus on va céder. Les personnes qui évoluent, qui ne se conscientisent pas, vont dire, plus on va s'écœurer mutuellement. Tu sais, plus on va s'envoyer aux toilettes mutuellement. Et quand on se conscientise, on va dire, plus on va céder. Ça veut dire que quand je vois des choses que tu fais qui sont pas correctes, je te le dis. Puis là, je te juge pas, je te condamne pas, puis je t'écœure pas. Mais dans le système évolutionnaire, je te juge, je te condamne, puis etc., je t'écœure. Alors, ce qui va arriver, c'est que... En réalité, dans le système traditionnel, c'est là que tu cesses d'être ami, quand tu commences à t'aider. Oui. Parce que tu commences à voir les défauts, quand tu commences à voir... Quand tu commences à s'aider, il commence à chicaner. D'un couple, c'est la même chose. Oui, parce que tu connais tous les défauts de l'autre. Alors, à un moment donné, tu vas lui dire telle chose, puis tu as raison. Oh, le ton était pas bon, puis c'était peut-être pas le temps, puis t'as pas dû dire comme ça, puis... Elle a raison. Et si on est suffisamment conscient, ben on va laisser faire l'ego. L'ego réagit immédiatement à cause des processus. Si c'est ma femme qui vient me parler, mon ego réagit en ce sens que la femme n'a rien à dire. Moi, je suis d'accord qu'elle a de quoi dire. Je parle de mon ego. Alors, comme je dis souvent, il faut faire attention parce qu'un ego s'attire un ego. Alors, si son ego, en même temps, vient se plaire de me dire telle affaire, il y a fortes chances que mon ego grimpe immédiatement. Puis là, moi, il faut que je contrôle l'ego. Après ça, on peut commencer à communiquer. Mais là, c'est trop une perte de temps. La majorité des personnes ont de la difficulté à faire ça. Ça veut dire que c'est les égos qui vont commencer à communiquer. Alors, c'est évident que plus on se connaît, plus on peut s'entraider. Sauf que dans un système évolutionnaire, on appelle ça le jugement. Tu sais, l'humain, dans le système traditionnel, il évolue au jugement dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hypocrite tout le long. Bon, tout est beau, tout est correct, vous êtes bien gentil, c'est bien correct. Puis quand je n'ai totalement ras-le-bol de vous autres, là, vous criez tout ça en pleine face d'un coup. Mais ça fait évoluer l'humain. Ouais, c'est ce qui se passe! Mais on devrait fonctionner. Moi, je suis pro-douceur. Goutte à goutte, ça ferait pareil. Ben, à un moment donné, tu fais une affaire, puis je le vois. Donc, je lui dis, je suis son ami, je lui dis. Bon, puis s'il ne prend pas, ben, c'est qu'il ne peut pas être mon ami. Il doit être l'ami de quelqu'un qui n'est pas transparent. Il doit être l'ami de quelqu'un qui est hypocrite. Sinon, je lui dis. Puis si ce n'est pas mon ami, je ne lui dis pas. C'est pas nécessaire. Parce qu'il ne comprendra pas. Si les amis ne comprennent pas, des fois, ceux qui ne sont pas tes amis... Je vais commencer les questions avant que tu commences à chialer. Réaction typique. Comment expliquer qu'on ait à travailler dans un milieu où on se fait torpiller quand on essaie de donner le meilleur de soi? Le meilleur de soi, vous devez le garder pour vous. Pour évoluer, pour être heureux, être heureuse, conscientiser. Charité bien ordonnée commence par soi-même, vous avez dit là. C'est essentiel. Parce que si on veut donner le meilleur de soi, il faut comprendre l'idée, là. Je réponds toujours un peu pour tout le monde. Si je suis dans un endroit, je vais donner le meilleur de moi-même parce que j'adore ce que je fais. Le meilleur de moi-même, je me le donne à moi. Alors, je ne vais pas être frustré si je me fais torpiller. Si je veux donner le meilleur de moi-même aux autres, c'est parce que je veux me faire reconnaître par les autres. Alors, je souffrirai en maudit s'ils ne me reconnaissent pas. Et là, le petit poids qu'ils vont m'envoyer, j'aurai l'impact d'une torpille. Bon. C'est un peu comme je rends service à quelqu'un pour qu'il me dise merci inconsciemment. Fait que s'il ne me dit pas merci, ah ben là, je suis frustré noir. Si je le rends parce que je me sens coupable de ne pas lui rendre service, quand je lui ai rendu, qu'il me dise merci ou pas, je me sens mieux. Dans les deux cas, je t'ai manipulé. Sauf que c'est différent. Alors, on doit le meilleur de soi-même, on se le donne à soi. On ne le donne pas à autrui. C'est pas nécessaire. Autrui va nécessairement être capable de bénéficier du meilleur de vous-même si vous êtes capable de vous le donner. Torpiller, c'est évident. Premièrement, il faut que vous compreniez une chose. L'évolution, c'est un processus lent, pénible, où on ne comprend pas trop, sinon rien. Et puis là, ben, on a un choix de 25 chemins, puis là, on voit qu'il y a un chemin. On ne sait pas qu'il y en a 24 autres. Fait que là, on rentre dans le chemin. Il y a un marteau qui descend. Bang! C'est pas le modèle. Ça, c'est l'évolution, là. Le A, c'est que ça y a un autre chemin. Bang! Pas le modèle. A. Et erreur, puis comme ça. On monte toute la majorité d'une grosse, une grande partie de notre vie. Souvent, quand on est psychologiquement constitué normal, on voit ça comme un échec. Des erreurs qu'on a faites. Ça nous culpabilise peut-être pas nécessairement, comme ça peut le faire. On voit ça comme des échecs. Alors que c'est pas vrai. Alors, la personne, ce qu'elle doit faire, elle, c'est qu'elle doit s'arranger progressivement. C'est tellement, tellement, tellement facile de sortir de toutes les mécaniques. L'humain doit... Je réponds comme encore trop pour tout le monde. Ce que la personne doit faire, c'est qu'elle doit simplement s'arranger pour être... On résume très facilement dans toujours être centré sur soi-même. Puis quand je dis centré sur soi-même, c'est pas d'être égoïste, c'est d'être égoïque. D'une façon... pour l'ego, au départ. De façon à cultiver autre chose que la médiocratie. Tant que l'humain évolue, l'humain se fait taper dedans. Tant que l'humain évolue, l'humain ne peut pas comprendre. Puis parce que l'humain ne comprend pas, ben nécessairement, c'est long, c'est pénible, et ça va nécessiter une panoplie de mécaniques qui sont attribuables à d'autres structures d'évolution que la nôtre, mais auxquelles on est assujetti. Puis quand l'humain commence à se conscientiser, il doit se prendre en main. Quand il est centré, égoïquement parlant, si vous êtes centré sur votre ego, ça veut dire que vous arrangez pour vous payer des luxes, pour vous faire des petits plaisirs. Mais les petits plaisirs doivent être en conformité nécessairement avec les lois physiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un plaisir à l'ego, tiens, je vais y donner un peu de crack. Tiens, un peu. Morphine. Un plaisir à mon ego. Puis le corps physique, il paye le prix pour ça. Alors la personne qui se conscientise facilement, progressivement, elle va commencer à voir plus clair, elle va se désassujettir de cette mécanique-là, mais il faut absolument que la personne qui se conscientise comprenne que nécessairement, plus on se conscientise, plus on devient intelligent. Toutes les mécaniques planétaires de là un peu moins que 4 milliards d'années, aller jusqu'à aujourd'hui au niveau des mémoires, vont tout faire pour que vous ne puissiez pas avancer. Alors nécessairement, on a un fardeau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, si je donne encore l'exemple des bombes, qu'on prenne 50 tonnes de dynamite et qu'on fasse sauter ça quelque part, ou qu'on prenne une bombe thermonucléaire de 50 tonnes, on n'aura pas le même résultat. La structure astrale évolutive, elle est beaucoup plus nombreuse, il y a beaucoup plus de mécanique là-dedans, que ce qu'il y en a chez l'être humain qui se conscientise. Sauf que l'être humain qui se conscientise est beaucoup plus solide que 85% de toutes les mécaniques d'évolution. Ça veut dire que l'humain qui se conscientise, il a beau être tout seul, il est suffisamment solide. Quand il n'est pas suffisamment solide, c'est quand il commence à se ramasser par la culpabilité. J'ai mal fait, Et là, l'humain va se ramasser. Alors, la mécanique astrale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'arrange pour torpiller l'humain. Alors, vous commencez à être correct dans votre famille, les plus près de vous vont commencer à avoir des problèmes chez vous. On va commencer à vous niaiser, on va commencer, etc. Oh ben non, si tu as des enfants, il y en a un qui commence à se droguer, il y en a un qui fait ci, il y en a un qui fait ça. On va dans l'emploi, c'est la même chose. Vous vous conscientisez nécessairement, vous allez découvrir que l'entourage, quand on peut moins vous atteindre, on atteint l'entourage pour que l'entourage vienne vous descendre. Alors, c'est toujours cette côté comme ça. Prenons des exemples. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité un paquet de personnes qui est extrêmement géniales. Des innovateurs, des innovatrices. Il y a eu beaucoup de guérisseurs, des guérisseuses aussi. Mais à chaque fois, ça amenait du neuf. Toutes les structures traditionnelles étaient là pour les tuer. Alors, tu guéris, c'est Satan. Si Dieu a voulu qu'elle soit malade, c'est parce que la personne veut qu'elle soit malade. Puis toi, la personne à l'époque, elle n'avait pas la conscience pour dire « Si Dieu m'a donné la possibilité de guérir, c'est parce qu'il veut que je la guérisse. » Rien à faire. Rien à faire. Alors, on les tuait. Alors, dans l'astral, ça continue, ça fonctionne de la même façon. Plus l'humain devient intelligent, plus l'humain devient intelligente, plus les mécaniques autour d'elle vont commencer à l'essayer. Mais c'est intelligent comme mécanique, comme résultat. Pourquoi? Parce que progressivement, vous allez être obligé de retourner chez vous, puis de ne faire confiance qu'à vous en ce qui concerne votre propre évaluation. Je ne suis pas quelqu'un parce que je suis apprécié. Je suis une bonne personne. Pourquoi je suis une bonne personne? Parce que ce que je fais est correct et bien. L'autre là-bas, il me déteste à mourir parce qu'il n'a pas compris ce que je veux faire, mais je suis une bonne personne. Tu sais, je suis correct. Et à un moment donné, tu es tellement centré sur toi que tu n'as pas besoin de l'accréditation des autres. Tu vas te nourrir énergétiquement de quelqu'un qui te dit que tu es correct. Mais tu ne perdras pas d'énergie de quelqu'un qui te donne des bêtises parce que tu ne t'attends pas. Si je te donne de la nourriture, tu n'as pas soif. Mais il fait chaud. Tu donnes de l'eau, tu la prends. Mais s'il n'y en a pas, tu n'en souffras pas. Alors la personne qui est centrée sur elle dans son intelligence, donc qui se conscientise, si quelqu'un lui donne un compliment, astralement, ça la nourrit. Pas égoïquement, astralement. C'est correct. Si la personne lui donne des bêtises, elle n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assujettie à dépendre d'autrui. Alors, progressivement, ce qui va arriver, c'est que vu que les gens torpillent, la famille, ça peut être au travail, ça peut être un peu n'importe où dans la vie, progressivement, la personne te comprend. Je donne le meilleur de moi-même. À quoi? À qui? Investissez sur le long terme. Dans 20 ans, d'ici, il va rester vous autres. Sinon, rien. Les autres, on s'en balance. Dans 50 ans, il va rester nous autres. Sinon, rien. Alors, on investit sur soi. Puis l'extérieur est là comme baromètre. L'extérieur est là aussi pour continuer à nous faire comprendre qu'on fait mal. Moi, je travaillais bien, moi. Je travaillais à Sainte-Justine, je travaillais bien. Puis là, quand il y avait un jeune qui se plaignait dans un hôtel, là, j'y allais. Puis j'avais tout un syndicat sur le dos. Parce que ceux qui jouent aux cartes, là, quand ils m'ont passé pour aller dans leur aile, ils sont obligés d'arrêter de jouer aux cartes et d'y aller parce que là, c'est le gars de bord qui arrive, tu sais. Fait que là, c'est-tu, je suis pas correct. Je ne suis pas correct. Puis après ça, ben là, c'est fini. Mais il y a des jeunes qui fallait faire les choses avec eux autres. Ah, si je reste, je suis payé en supplémentaire. Mais non, moi, je ne veux pas te payer. Je l'ai poissonné, puis je remonte en haut. Mais ça n'a aucun maudit bon sens, parce que les autres sont obligés de faire pareil. Sans ça, c'est si. Personne n'est obligé de faire pareil. J'ai beau leur expliquer, rien à faire, c'est que je lâche le job. Puis j'en ai fait des emplois comme ça, où je les ai simplement laissés. À l'époque, je n'avais pas l'énergie que j'avais aujourd'hui, parce que le dernier emploi que j'ai fait avant d'être en affaires avec des amis, c'était ambulancier. Puis là, j'avais une autre stratégie. Tu veux travailler avec moi, pas de problème, bienvenue. Et dans 6 mois, il travaillait comme moi. Puis j'avais rien dit. Alors, la personne, elle finit simplement, elle finit par se centrer sur elle. Puis quand elle est totalement dégagée de ce qui va arriver de l'extérieur commence à s'ajuster simplement pour évoluer avec elle. Les humains résistent, puis que si vous tenez, appelez-les maintenant, ils embarquent. Comment arriver à mettre le doigt sur la cause initiale d'un problème? Premièrement, il faut un bon doigt. Dans la conscientisation, puis dans la finalité de l'évolution, l'humain, très souvent, a réglé les causes de ses problèmes. Il lui reste les problèmes. Un peu comme tu as une ulcère d'estomac parce que tu mangeais trop de citron, et puis ça fait un an que tu ne manges plus de citron, mais tu as encore l'ulcère. La majorité des individus n'ont pas à chercher la cause initiale des problèmes, c'est une perte de temps. Les individus, ce qu'ils ont à faire, encore une fois, c'est de cultiver ce qu'ils sont présentement puis de se diriger vers ce qu'ils sentent comme étant intelligent. Il y aura toujours des petits problèmes à un moment donné qui sont d'une certaine envergure, et là, ça sera intéressant, peut-être, d'aller fouiller. Au niveau réincarnationnel, surtout, souvent, des fois, ça peut être au niveau génétique, donc médical. Mais il y a plusieurs personnes qui perdent leur temps en allant chercher les causes. Alors, on doit surtout s'arranger pour, bon, j'ai un problème particulier. Bon, je vais donner des exemples au niveau des problèmes. Un problème de santé, c'est un baromètre. J'ai fait une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps, je me rappelle plus tout de suite. Bon. Acheter le tout, puis là-dedans, il y en a une qui... Le titre, c'était « Comment j'ai perdu la mémoire ». Il n'a pas écouté la conférence. Bon, ça rappelle. Non, mais c'est ça, moi, je trouve que j'ai trois diplômes à l'université. Un en médecine, un en mathématiques, puis l'autre, je m'en souviens plus, c'est ça, mais c'est un peu la mémoire. Là. Et l'être humain, ce qu'il doit faire, donc, c'est que... Chercher les causes, moi j'ai jamais cherché les causes, puis je préfère qu'on ne cherche pas les causes. C'est tellement simple, tellement simple. On cherche les causes quand on évolue, puis on n'a pas besoin de les chercher quand on se conscientise, mais c'est évident qu'il y a une période de transition. Puis dans cette période de transition-là, il faut qu'on joue l'homme nouveau, il faut qu'on joue la femme nouvelle, il faut qu'on joue l'enfant nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on adopte des attitudes qui sont néotypales, c'est-à-dire des attitudes qui sont neuves, qui font partie de quelque chose qui va vers l'avenir. C'est-à-dire que si j'ai de la conscience puis j'ai peur des chats, je vais facilement être capable de ne plus avoir peur des chats sans chercher à savoir pourquoi j'ai peur des chats. Si je n'ai pas de conscience, pourquoi? Parce qu'en intelligençant les choses, quand j'ai peur des chats, là, je me rends bien compte que je suis manipulé. C'est idiot d'avoir peur des chats. Donc, moi, je n'ai pas peur des chats. Je trouve ça idiot. Si moi, j'aurais peur des chats, je dirais, ben oui, mais c'est normal d'avoir peur des chats. Non, je trouve ça épais d'avoir peur des chats, mais j'ai peur des chats. Donc, il y a un égo chez moi, il y a des égrégores, il y a des expériences chez moi qui ont peur des chats. Ça vient de quelle vie? Ça vient de où? Ça vient de mon passé? Ça vient de... C'est pas ça du tout, là. C'est ridicule d'avoir peur des chats. Je vais m'arranger pour plus avoir peur des chats. Tu sais, je n'ai plus peur des chats. Hey, t'as plus peur des chats. À part peut-être du chat. En Iran, des fois, ici. Bon. Mais progressivement, en intelligence simple, je le dis souvent, il y a des personnes qui approchent de cesser de fumer. Comment? Parce qu'ils luttent pas trop. Ils trouvent ça épais. Casser le temps. Ils trouvent ça con. Puis ils fument encore. Et que je suis niaiseux. Ils conscientisent. Et que c'est niaiseux. Là, ça va mieux. Parce qu'ils sont pas niaiseux. Ils savent que c'est pas bon. Puis à un moment donné, ben là, progressivement, ça goûte plus bon. Puis là, t'es pas nu, t'es babelle. Puis t'as un petit morceau de poil avec ton papier. Puis. Progressivement, c'est la même chose pour mettre le point sur le doigt sur un problème, sur l'initialité d'un problème. Souvent, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Quand on est conscient, ne cherchez pas d'où vient le problème, réglez-le. J'ai une crevaison, d'où ça vient, change de pneu. Et change de pneu. Tu vas dire, oui, mais si c'est la rue qui est pleine de clous, ta conscience, elle va te le faire prendre conscience tout de suite quand ça va dans le deuxième. Tu vas savoir, quand ta deuxième crevaison, là, ça va tout de suite. Mais si tu es dans l'évolution, tu vas changer des roues sans arrêt. Puis là, effectivement, avec une thérapie, il faut qu'on t'amène jusque-là. L'être humain qui est conscient, très souvent, il a déjà réglé la cause initiale, il lui reste un problème. Donc, chercher la cause initiale, c'est une perte de temps. Mais en même temps, tu disais, il y a quelques conférences, qu'on pouvait servir de ce qui nous arrive alentour pour un petit peu comme les cartes, les mentis, comme baromètre. Mais tu cherches pas la cause initiale. Ben, j'ai... Il me semble que oui. Mais non. Non. Pas comme ça. Ben, j'ai un bon ami hier là, qui a des problèmes d'énergie tout le temps. On est tout le temps en train de le remotiver. Bon, il y a eu une panne avec son véhicule automobile. Sa batterie est à plat. Évidemment. Tout nécessairement, ça fait ça. Mais c'est toujours à plat. Puis il amène 9 heures tombe. C'est toujours pareil dans la vie comme dans son auto. Est-ce que c'est de trouver la cause? Oui, ou mais pas la cause initiale au problème. Il va retourner tellement loin. Tout ce qu'il a à comprendre, lui, c'est que c'est un individu qui est tout équipé énergétiquement puis qui fait foutrement rien. C'est un individu qui bousille ses propres énergies. Mais c'est pas la cause initiale. T'sais. Ça vaut pas la peine de savoir si c'est pas la cause, il a pas commencé. C'est le problème. Ça. Okay. Ça. C'est dans l'immurie, peut-être, qu'à un moment donné, là, j'ai été électrocuté par la foudre, puis après ça, j'ai pensé que... Alors, okay. C'est pas besoin d'aller chercher ces affaires-là au complet. Ma mère, elle me battait à coups de strap électrique. Puis là, du temps-là, j'ai pas... Des anguilles électriques, dans ce temps-là. Ah, des anguilles électriques, oui, c'est ça, oui. C'est pas nécessaire. La personne, ce qu'elle doit faire, on parlait de baromètre, simplement. Fait que là, il faut qu'elle regarde son automobile, puis qu'elle fasse une... Parce que le, ce qu'elle est, elle, va automatiquement... L'individu qui se conscientise, il devient plus important que tout ce qui l'entoure. Donc, il va commencer à pilonner son entourage. Fait que ça va, tu perds ton argent, pense à toi. Parce que dans l'air du poisson, vous pouvez réussir. Parce que ce que vous faites est beaucoup plus important que ce que vous êtes. Dans l'air de la conscientisation, l'humain est plus important que ce qu'il va faire. Autrement dit, moi, je regarde une personne, je parle avec elle, puis je sais que ça, je connais sa valeur. Hein? Je n'ai pas besoin de savoir si elle est riche, si elle est pauvre, si elle a fait des études, si elle est diplômée, si elle n'est pas diplômée, etc. Oh, ça ne sert à rien. Puis qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé? Elle s'est droguée pendant 45 ans, ça fait seulement 2 mois qu'elle ne se drogue plus. Je n'ai rien à foutre. Elle, elle est là. Ça, ça m'intéresse. Alors que dans l'air du poisson, ça va, elle, elle n'est pas là. Il faut que je commence à voir ce qui s'est passé, puis là, je saurai qui elle est. Puis même les personnes de l'air du poisson, c'est ce qu'ils font. Ils savent qui ils sont quand ils ont vécu. Parce qu'ils ont besoin du passé pour être quelqu'un. Puis il faut que ça connue un peu. De toute façon, c'est pour... Bon, tu sais, si tu connais mal. La personne, on n'a pas à chercher. Puis quand on se sert, quand on se sert d'expérience comme baromètre, c'est pour connaître le problème. Les causes fondamentales, c'est parce que tu fais que niaiser. Mais pourquoi je niaise? Tu fais rien que niaiser. T'es conscient? Oui, niaises-tu. Niaises-tu. Tu continues à niaiser encore un peu, puis chaque fois que tu te mets à niaiser, tu te dis, maudit que c'est niaiseux. Tu sais, je veux plus, c'est pas ça que je suis. Puis tu vas voir que progressivement, ça prend le temps que ça prend, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans. Ça prend le temps que ça prend, mais ça sent travailler comme des imbéciles à essayer de régler des affaires qu'on touche mal. C'est un bon exemple. On m'a volé ma bicyclette hier. Et voilà! C'est le thème de la chaîne automobile. Qu'arrivera-t-il? Qu'arrivera-t-il et qu'en est-il advenu? On te soupçonne. Les peintures étaient 4 heures. Moi, à un moment donné, j'ai déménagé à l'île des Sœurs. Alors, quand je suis arrivé là-bas, il n'y a plus de ça. Là. Bon. Alors, il n'y a plus ça, l'île des Sœurs quand même. Et puis, j'ai loué un petit logement, puis ça, puis il y avait un garage, puis je me suis acheté un bicycle. Je voulais avoir un bicycle, pour aller faire des tours de bicycle, c'est beau sur l'île des Sœurs, parce qu'à l'époque où j'étais. Il y avait un terrain de golf à l'époque, il y avait des trous. Et puis, Au cas qu'il y aurait des Indiens. Et puis, j'ai acheté un bicycle, et puis j'étais chez Canadian Tower, j'ai acheté un bicycle à 125$, c'est correct, c'est puis, un bon bicycle. Avec un cadenas qui va avec les bicycles à 125$, un cadenas chaîne à 5,95$. J'ai rentré chez mon bicycle dans le garage, c'est un garage qui a un paquet d'automobiles. Là, j'étais travaillé. Là, quand je suis venu le soir, là, je stationne. Quand dedans, ça disait, ça me dit qu'il n'est plus là. Je commence à monter les marches, puis t'as l'air, j'ai acheté un bicycle. Ça redescend à voir, puis bicycle. Je ne l'ai même pas eu une journée. Je n'ai même pas pu l'essayer. Et oui, j'étais mal acheté un deuxième, tout de suite. J'ai payé 350$. J'ai acheté un cadenas qui va avec un bicycle de 350$. J'ai encore mon bicycle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'ai changé hiérarchiquement d'onde de forme. J'avais changé d'automobile, changé de vêtements, je déménage à l'île des Sœurs, je partais de la ville d'Anjou. Puis je vais m'acheter un bicycle Canadian Tower 115$. Il y avait, c'était pas ça. Fait qu'il y a un bon diable qui est passé par là avec une paire de pinces. C'est pas un petit Christ, c'est un bon diable. Lui, il a pris mon bicycle. C'est un baromètre. Qu'en est-il advenu, qu'arrivera-t-il, etc. Vous aurez bien, c'est ça, vous allez être ramassé. Ça fait partie des petites choses qu'il faut faire attention. J'essaie de voler ma femme, moi, comme ça. Hein? J'essaie de voler ma première femme. Tu l'as pas attaché comme il faut? Un cadenas à 3,95. Une femme à 3,95, mais celle que tu as là, par exemple, elle a un instant. Ça t'attache pas, celle-là. C'est elle qui l'attache. C'est différent, celle-là. Avec un cadenas à numéro. Parce que tu t'es pas compté jusqu'à là, ça va? Je suis pas compté jusqu'à 12. Que... Mais c'est ça. Dans la vie, il va vous en arriver plein de choses. Hein? Vous avez déjà remarqué ça. Il va vous arriver des petites choses en vie. Hein? C'est une panne de courant par là, puis le terminateur qui marche plus, une lampe a changé, puis il se voit la même qui brûle tout le temps, puis il se met des bonnes lampes. Puis... Est-ce que la personne, toujours, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'arranger pour que ça ne nous dérange pas. Faut pas qu'on se pose. La personne ne se pose pas des grosses questions, là, c'est amusant. Mais ce qu'il faut faire, simplement, c'est que tout est un baromètre. La bicyclette, il n'y a rien là. Il faut que la personne la fasse une étude, pas pour sa bicyclette, qu'elle fasse sans arrêt tous les soirs, c'est trop tous les soirs. C'est très spirituel tous les soirs quand vous couchez, vous demandez la fidèle. Pas ça le matin. Ouais. Puis les matins. Une fois par année. Mais pas au jour de l'an. Traditionnellement, au jour de l'an, on fait ça, puis deux, on oublie tout. C'est pas bon. Là, on fait ça quelque part, à un moment donné, laisse sa fête, tout le brouiller de sa fête, parce que c'est sa fête, là, on se couche un peu, puis on se demande, là, la dernière année que je viens de passer, là, est-ce que je l'ai passée ou si j'ai très passé, tu sais, l'année récente. La personne, elle doit, de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, on regarde tout ce qui nous arrive qu'on n'aime pas, c'est pas de ça. Et là, on commence à regarder, est-ce que c'est parce que je suis inhibé réincarnationnellement parlant, est-ce que c'est moi qui me limite, tu sais, j'ai pas pu, bon, j'ai pas de nouveaux amis. Une personne qui a déménagé, là. Bon, ben oui, mais là, c'est peut-être toi, là, tu sais. Bon. On fouille juste un peu là-dedans, puis quand on trouve que c'est réincarnationnel, donc des inhibitions de l'intérieur, c'est pas ça qu'on veut vivre, mais c'est ça qu'on n'est pas nié à vivre, trouvez ça con. Trouvez-vous pas con. Si vous êtes assez intelligent pour savoir que c'est pas correct, c'est que vous êtes intelligent. C'est intelligent. C'est ce qui est pas correct qui l'est pas. Pas nous autres. Et puis progressivement, on va s'en sortir. Puis quand c'est matériel, puis on voit pas au niveau réincarnationnel, ça, c'est le baromètre qui se met en fonction. Bon, piquer ma bicyclette. Je manque toujours mon autobus. Souvent, les ascenseurs où j'arrive, ils sont en panne, un exemple, je vous donne. Dans les moyens de transport, vous avez des problèmes. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau de ma vie psychologique? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je veux avancer dans ce que je fais présentement? Est-ce que je suis aux études, là, puis en réalité, j'aime pas ça? J'ai dit quand même, mais c'est pas ça que je veux faire, je le sais maintenant. Vous savez, ben là, il va se passer plein d'affaires au niveau de ta vie. La personne qui décode ça, il faut qu'elle fasse une transposition. On a fait une conférence là-dessus. Elle fait une transposition, puis à un moment donné, ben là, elle va finir par régler les choses. Fait que c'est pas une bicyclette. C'est sûr que c'était le seul moyen de transport que vous avez eu. Vous avez travaillé 20 ans pour l'acheter. Là, c'est suffisant. Là, c'est important, il faut décoder. Là. Le vertige, la peur des hauteurs et l'attirance du vide sont accentués lors de la conduite automobile. Je m'abstiens de conduire me considérant dangereuse. Ben, achetez-vous une bébé Austin. C'est tout près du sol. Je n'aurai pas le vertige. Ça. Comment décoder en fonction des mémoires du passé? On doit travailler à même place. Je n'avais pas le vertige, je l'ai attrapé à un moment donné. Oh, mais tu l'as eu, mais on sait pourquoi. Parce qu'il a réincarné. Lui, il travaillait à la bourse. À un moment donné, il était en Floride. C'est ça, c'est le bord d'un hôtel. À San Francisco. San Francisco, bon, combien? Puis là, il s'est passé un paquet de cracks, un paquet de conneries dans la bourse. Puis là, il était dans l'eau de l'hôtel, puis il regardait en bas, puis subitement, il a eu le vertige, puis il a eu le goût de se suicider. Il a eu de réincarner ceux qui s'étaient suicidés au dernier crack. Parce qu'il était dans la même lignée. Donc, j'avais jamais eu peur de la hauteur là. C'est ça. Puis là, maintenant, ben, la réincarnation est restée là. Mm. Fait que là, maintenant, ben, là, tu montes sur deux, trois chaises, puis c'est compliqué. Juste ici, du haut. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont baissé un peu. Avant, il y avait un pouce plus haut. Je me suis fait couper les cheveux plus bas. Les souliers pas de talons. Bon, l'attirance du vide, etc., c'est simplement ça. Vous vous ramassez, au niveau réincarnationnel, c'est que des choses qui vous habitent, qui sont mortes, violemment. Réincarnez-vous de l'Indien. Ah, pas d'hindous, je parle d'Amérindiens, des Indiens mères. Réincarnez-vous des Amérindiens. On en a tué un mot du paquet en les poussant en bas des précipices. On se fait faire avec les bisons pour se tuer ça de la deux. On recommence avec les Indiens. Il y a plusieurs réincarnations, puis dans la famille, il peut y avoir eu des expériences particulières au niveau justement des hauteurs, ces choses-là. La personne, peut-être que dans une ou deux vies, elle est peut-être morte des mémoires de personnes qui sont mortes en avion. Bon, ou qui sont mortes, il fallait pas grand-chose à l'époque hein, pour mourir. On s'en prend un peu plus, fait qu'on a inventé des techniques pour se tuer, tu sais, mais avant, on mourait tout seul. Alors, c'est vrai, depuis qu'un tertier pétard ramèche le monde lors des fêtes, ils prennent leur auto. Les pétards ramèches, c'est dangereux. Ils prennent les autos, puis ils boivent un peu, puis ils passent. Alors, la personne ne réincarne des choses comme ça. Ce qu'elle a à faire, c'est qu'on n'a pas... La meilleure chose à faire dans le cas de vertige ou de la majorité des phobies... Simplement, la désensibilisation. C'est tout. Tu montes une marche, tu as le vertige, tu restes un bout de temps, puis trouvez ça con. Trouvez-vous pas con. Trouvez-vous pas faible. C'est pas vous autres. C'est de ramasser avec une mécanique de même. Bon, on se trouve pas con. Mais c'est con. Puis là, maintenant, on s'habitue à la marche. On monte une deuxième marche, une troisième marche. Ça peut être un étage, deux étages, on voit sur un balcon, on regarde. C'est évident, vous allez être attiré par le vide. C'est des mémoires de suicidaires que vous avez. Ça veut dire que vous allez être nécessairement attiré par le vide. Parce que les métros n'existaient pas, là, quelque temps. Le monde se jetait en bas des ponts, en bas des précipices, en bas, etc. Bon, en bas des immeubles. Alors, nécessairement, quand on se place là, tout ce qu'on voit, on revoit l'expérience inconsciemment. Puis vous ne vous êtes pas suicidé dans votre autre vie, vous avez réincarné des mémoires de suicidaire. Nécessairement, lui, qu'est-ce qu'il a vécu, le suicidaire, quand il s'est tué? Il a vécu qu'il est tombé. Hein? C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est vu. Il a vu le sol monter. Donc là, quand il regarde, là, hein, quand il regarde en bas la personne, qu'est-ce qu'elle voit? Ben là, t'es tiré. C'est-à-dire qu'elle a tendance à recréer le même phénomène visuel. Elle voit le sol monter. T'es tiré par en bas. Il y a plusieurs, pas tout le monde, plusieurs personnes qui ont le vertige. Quand ils regardent en bas, le petit voit s'en aller, il faut qu'ils tiennent. Mais le crime, si, ça serait ridicule. Instinctivement, vous avez peur, vous n'avez pas, vous n'y allez pas. Il y a des personnes que quand ils regardent en bas, ils vont. Il faut qu'ils tiennent. Ils réincarnent les personnes qui sont suicidées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se suicider, ça n'a rien à voir. Ils réincarnent une partie de mémoire de tout ça, du visuel. Puis nécessairement, ils ne voient pas ce qu'il y a en bas, parce que... Il n'y a pas le temps de constater ça quand la personne est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut qu'elle se désensibilise. C'est la meilleure chose à faire parce que sinon, il faudrait faire un exercice. C'est un exercice un peu compliqué, l'exercice, pour des choses comme ça. Mais se désensibiliser, c'est très bon parce que vous allez prendre de plus en plus contrôle de vous-même. Vous savez, la désensibilisation au suicide, c'est une technique PMC. Un instant. PMC 22. Ah, absolument, absolument. Pourquoi? Ben simplement, c'est quoi la technique PMC? C'est tout ce qui permet à l'humain de devenir le maître contrôleur de sa vie intérieure. Okay? Il y a des techniques structurées, bon, une personne s'inscrit en cours, etc. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée fondamentale, c'est d'être le maître contrôleur de sa vie intérieure. C'est ça que ça veut dire. Fait que la personne, à un moment donné, elle se désensibilise, là, puis elle est consciente quand elle fait un travail, bien, elle développe, si elle savait la quantité de phénomènes qu'elle développe chez elle, elle est en train de faire du PMC. C'est-à-dire qu'elle est en train progressivement de devenir le maître contrôleur d'une grande partie de son ego. Bon, une personne qui veut arrêter de fumer puis qui fait ça consciemment, elle apprend énormément. Alors, la personne, c'est ce qu'elle a à faire, c'est beaucoup plus ça. Parce qu'on vous fait un exorcisme, ben voilà, vous n'avez plus de vertige. Il faudra qu'on trouve un autre handicap pour pouvoir faire avancer. Comment se retrouver dans toutes nos facettes d'incarnation pour trouver notre vraie personne? Votre vraie personne, c'est celle que vous êtes aujourd'hui. Sans nom, sans couleur, sans grandeur, sans petitesse, sans quoi que ce soit, c'est ça que vous êtes. La personne n'est pas endettée karmiquement. Le corps physique, les mémoires sont endettées. La vraie personne, ce que vous êtes, c'est uniquement ce que vous êtes. Fouillez pas dans le passé, vous n'allez rien trouver. Dans le passé, vous allez trouver tout ce que vous avez été, qui ne peut pas vivre présentement et qui sert de croûte. C'est juste ça. Quand la personne, elle se regarde, elle dit, « Maudit, il me semble que c'est pas moi que je vois matin. » Oui, mais arrachez la peau, hein, les muscles en dessous, là, c'est vous autres, là. Non, arrachez les os, là, avec un paquet d'os, avec des dents, clac, clac, clac, clac, clac. C'est un dentier mal ajusté, tu sais. Puis c'est vous autres. Mais c'est le corps physique, ça. Fait que si les muscles, puis les os, puis les tendons, c'est pas vous autres, la peau non plus. C'est pas à cause que ça paraît plus beau, parce qu'on est habitué de la voir. C'est pas, entre vous et moi, là. En tout cas, entre lui et moi, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas le passé. Le passé, il nous sert à nous limiter où il va nous servir comme banque d'informations, soit en termes d'informations, soit en termes d'énergie. Bon, j'explique de temps en temps aux séminaristes l'important, justement, de réincarner des babelles, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, tu te promènes dans la ville, puis là, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis hop, il vient te voir. Pourquoi il vient te voir? Parce que tu réincarnes, lui, il connaît ça. Fait que spontanément, il vient te voir. Ça crée un paquet de contacts. Plus tu réincarnes haut, plus tu vas ramasser des gens qui sont hauts, qui, jusqu'à date, vous ne regardez même pas. Et à un moment donné, ils vont commencer à vouloir vous parler, parce qu'ils vont reconnaître des amis qui s'incarnent là-bas. On n'a pas besoin de trouver. Vous êtes ce que vous êtes. Le reste, ce sont des outils. Des outils. Vous n'êtes pas des personnes importantes en fonction de ce que vous avez été dans le passé ou ce que réincarnationnellement parlant, vous avez aujourd'hui. C'est pas ça. On est important parce qu'on est conscient. On est important seulement pour ça. Mais ce qu'on réincarne, ce sont des outils. Alors, certains vont se servir de leurs outils, ils vont accomplir des choses. D'autres vont se servir de leurs outils pour accomplir d'autres choses. Ça crée des synergies, ça crée des sociétés synergisantes, et puis ça crée une évolution, une émancipation sur tous les plans. en amenant nécessairement une libération du point de vue des assujettissements. On devient heureux, peureuse, pour la paix. On n'a pas besoin de savoir les réincarnations pour savoir qui on est. Alors, vous êtes amplement correct comme vous êtes là. Ce qui n'est pas correct chez vous, c'est justement le passé. Ce qui n'est pas correct chez moi, c'est mes crottes. Pas moi. Moi, je suis tellement correct. Moi, je suis le plus bon gars qui m'habite. Je n'ai même pas fait de commentaire. J'en regarde. Depuis quelque temps, tout casse dans la maison. Sacheuse, porte de garage, air climatisé, puis le répondeur automatique, etc. Pourquoi, depuis que je suis en manque financièrement, les choses ne cessent de briser dans la maison? Ah, ben c'est logique. J'en fais réparer une, oups, une autre qui brise. Absolument, faites réparer celle qui est encore en forme. Je suis assez écœuré de ce phénomène que dans ma colère, j'ai moi-même brisé mes lunettes. Ah ben, c'est encore plus vite demain. Mais au moins, c'est toi qui le brise. Ben, j'ai un ami qui en fait, ça fait son affaire. Là, pour aider l'astral à aller plus vite dans sa stupidité. Quand il ne restera plus rien à casser, que je n'aurai plus d'argent, que pourra-t-elle faire? Ben voilà, vous allez être en paix. Vous allez pouvoir faire comme le vieux chinois qui venait de voir son magasin brûlé et qui a dit « Enfin, je peux voir la lune. » Moi, j'aurais suggéré, écoute, sors dehors de temps en temps, ça voit la lune, tu sais, mets pas le feu dans le magasin. Mais c'est la philosophie spirituelle, c'est intéressant. Quand il restera plus d'argent, il va rester de la santé, le ménage. Non, ça va s'en aller lentement. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pour pas nécessairement précipiter. Que restera-t-il? Il va en rester d'autres. Bon, c'est très, très, très, très important. Ce qui arrive, je ne pourrais pas répondre probablement comme cela. On va faire un petit résumé. C'est des choses qu'on aborde, c'est pas pour lui vendre l'idée, mais qu'on aborde intensément en séminaire. Il y a plusieurs personnes qui, dans leur cheminement de conscientisation, il y a des mécaniques qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce qu'ils sont pas de bonne volonté. C'est qu'on fait tout pour leur donner ce qu'il faut pour qu'elles ne comprennent pas. Donc, à un moment donné, il faut l'intervention peut-être d'une mécanique extérieure pour leur amener des données. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui font partie de ce que moi, j'ai appelé un grand bout de temps les martyrs de la transition supramentale, les MTS. Il y a des personnes qui sont transitives et qui vont souffrir, mais ce n'est pas nécessairement des MTS. Mais c'est des martyrs dans un sens, mais il y a, disons, plusieurs types de martyrs de la transition supramentale. Il y a des personnes qui, tu en connais certainement. Oui, je reconnais une couple. Oui. Qui vivent des choses dans ce genre-là. Et qui voient leur entourage financier se dégrader. Alors, la matière à casse aussi, tout casse au complet. Normalement, à un moment donné, ils perdent aussi leurs amis. Ils perdent la confiance des gens. Souvent, ils perdent la santé. Ils perdent le livre. Ils perdent mes cassettes. Tu sais comment c'est chiant, hein, l'astral? Perdre mes cassettes. Mais, je dis pas, là, je vais pas décourager la personne. Ce que j'explique simplement, c'est que c'est pas nécessaire de vivre ça. Oui, je vais pas la décourager. Ça fait partie des processus qui ont touché la majorité des personnes qui avaient un très, très gros ego. Puis les personnes qui ont très, très gros égos sont des personnes qui ont une énorme banque d'énergie. Et pour arriver à sublimer l'ego, il leur faut normalement toute une maudite initiation lunaire. Et ça ressemble énormément à ça ici, là. Plus ça tombe. D'accord avec moi? Oh, oui. Et... on va parler de l'initiation lunaire, je ne sais pas quand. Dans quelques semaines. Puis l'initiation solaire aussi. Au mois d'août. À la prochaine lune. C'est ça. Parce que comme je vous dis, là, je vous explique un peu ce que c'est là. C'est pas nécessaire de vivre ça. Il y a un paquet de stratégies pour éviter ça. Sauf que normalement, la personne dans une pente descendante, puis quand ça va commencer à restructurer pour que ça soit comme il faut, ça va continuer sur le lent un bout de temps. Faut pas qu'elle lâche. À un moment donné, ça va commencer à remonter. Parce que les personnes, ils essayent des petites choses, puis ils savent encore ça pente, tu sais. Puis là, ben là, ils lâchent, là, ça marche pas. Puis ça continue. Alors, elle a probablement un très gros égo. Puis la majorité des personnes qui ont des très gros égos, quand j'en dis qu'ils ont un très gros égo, c'est les premiers à me dire qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Pas un gros égo. Un gros égo, ça a bien des facettes. Mais normalement, c'est les personnes qui ont un gros égo. Puis ça ne veut pas dire que la personne n'est pas correcte. L'égo, c'est un virus. Mais c'est une banque d'énergie. Ça va servir. C'est ce qui va nous permettre de créer un double éthérique. Toi, t'avais un torieux d'égo. Il doit être genre tout un double. Je comprends. Non, on peut habiter avec. On va habiter là-dedans, nous autres. Là. Faire un bloc appartement avec ça. Puis j'en connais d'autres aussi qui ont des crises de gros égos. Puis là, ils sont en train de faire des gros doubles. Mais il y a une chose que ça se fait bien rapidement comme ça. Les gros, gros doubles éthériques, là, c'est des vaisseaux. Là. On a de la place. Est-ce que les coïncidences sont inévitables et pourquoi? Ben, les coïncidences, c'est simplement inévitable. C'est même pas une coïncidence. Ça n'existe pas, les coïncidences. Le hasard. Oui, c'est ça. C'est prévu. C'est pas inévitable. C'est pas une coïncidence. Une coïncidence, c'est un mot inventé par l'humain qui pense qu'il y a les barbites. Puis il n'y a pas ça une coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'est partie des trames cosmiques. C'est pas une coïncidence. Comme exemple, ici, on donne rencontre avec le passé oublié à un moment opportun où chacun s'est posé la question. Ben oui, c'est pas une coïncidence. On fait des conférences, je sais pas. Combien vous avez de chances de gagner 1 million à la loterie? Je connais un gars qui a gagné 3 fois 1 million dans 3 tirages séparés. Combien on a de chances de gagner une 2e fois 1 million? Ah ben là, faut on joue des chiffres astronomiques. 3 fois lui. Moi, j'ai dit, quand je traverse la rue, le regarde pas. On ne se voit pas à peine. Chanceux comme t'es. On regarde pas. Mais mets-moi sur le testament avant. Là. J'ai rencontré un scientifique dernièrement qui a 2 PhD puis des qualifications longues comme le bras. Puis, il parle 4 ou 5 langues. Et en puis, même temps? Ouais. C'est compliqué, ça. Oh, il dit yes. Mais... lui, ce qu'il disait aussi, mathématiquement, c'est impossible ce qui m'arrive. Il n'est pas capable de se trouver dans le toit, ça fait 5 ans. Il a fait des démarches partout. Là, je suppose quand il parle de manipulation, il là, il commence à comprendre. Là. Ouais, il commence, il est temps. Ouais. Il commence. Mais mathématiquement, effectivement, il n'y a pas de logique. Dans une école avec des jeunes, on s'amusait à faire ça. On prend des cossins, on vérifie des bebelles, puis mathématiquement, si tu lances une pièce de monnaie, elle devrait tomber à peu près 50-50 d'un bord et de l'autre. Il y a des personnes qui sont géniales, les autres. Quand tu lances au hasard, là, c'est à peu près 50-50. Là, essaie d'avoir juste pile. Tu vas croire que le pourcentage commence à se décaler. Ça va soit plus souvent face que pile. Ton ego te niaise. On contrôle la matière. On est tous des télékinésistes. Puis là, ben là, les enfants ont pu constater que 80% des fois, tu ne l'as pas. Ça veut dire que tu es médiocre. Parce que tu te punis dans l'inverse. Si tu peux avoir 80% négatif, mathématiquement, ça se peut pas. C'est à peu près 50-50. Tu sais? Fait que c'est ça, l'humain contrôle ces choses-là, sauf qu'on fait l'humain contrôle, les mémoires. 30 millions contrôlés. 30 millions lancés à la pièce de monnaie, puis on est 15 millions qui dit pile, 15 millions qui dit face. On souffre du temps parce qu'on n'arrive pas à saisir dans l'esprit jusqu'à quel point le passé nous influence dans nos comportements. Comment arriver à récupérer cette énergie? Encore une fois, tout ce que vous avez à être, c'est tellement facile. C'est comment faire pour digérer? Occupe-toi-en pas. T'sais, la personne qui est là, il faut que je digère. Là. T'as pas vraiment essayé de broyer ça. Là. Je veux broyer. Là. Avoir sécrété des sucs gastriques à pu finir. La bile va se ramasser, on sait pas trop où. Avoir des maux, des problèmes. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour digérer? Relax. Va te coucher. Fais une sieste. C'est bien fait. C'est très bien fait. Les mécaniques du temps, c'est la même chose. Quand l'humain commence à être joyeux, toutes les choses se placent tout seul. On est bâti pour fonctionner dans le plaisir, pas le plaisir des matérialistes, dans la facilité, puis dans la joie. On est bâti pour ça. Sauf qu'on est tellement accolé à des mécaniques qui nous magnétisent totalement et qui nous empêchent de bouger. On a de la difficulté. Comment on fait pour ramasser l'énergie? Soyez libre dans votre conscience. Progressivement, vous allez appliquer des mécaniques énergétiques qui vont faire de vous un outil à utiliser les grosses sphères d'énergie. Mais oui, je ne sais pas quoi faire. Tant mieux. Comme ça, vous ne lutterez pas contre. Ouais, juste être soi. juste à toi. Il y a des jeunes, à un moment donné, là, qui vont à l'école puis ils sont pas capables d'apprendre quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, ils commencent à être heureux. Moi, j'enseignais le judo longtemps. Puis il y a des jeunes qui venaient, ils se défoulaient, puis on s'amusait, puis, etc. Puis là, les notes scolaires commencent à augmenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, justement. Il a rien fait. Il a cessé d'être pogné. C'est juste ce qu'il a fait. Bon, puis il commence à aller mieux. Il est heureux, il commence à aller mieux. C'est juste ce qu'ils font. L'humain, c'est la même chose. Il pleut, on s'en fout. Il y a un arbre qui tombe sur votre endroit, votre voisin. Votre voisin, oui. Votre voisin. C'est des choses qui sont là. On doit trouver ça con. Parce qu'à un moment donné, là, la nature va s'arranger pour plus massacrer l'humain. Parce que c'est une erreur. Mais l'humain a massacré la nature assez longtemps. Non. L'humain s'est vengé. Ben, de qui? C'est qui bâtit l'humain? C'est la nature. Toutes les mécaniques réincarnationnelles, l'humain, là, a jamais agressé la nature, l'humain. Jamais. Regarde donc. Tu trouves ça où? Une conférence... Pas moi. Ça, c'est erreur quand tu es les mauvais conférenciers. L'humain n'a jamais massacré la nature. Tu parles de la nature cosmique. Non, je parle de la nature. Donne-moi un exemple. OK, t'en donnais un. On a déboisé comme des imbéciles il y a 50 ans. Est-ce qu'on était imbéciles? Il y a 50 ans, oui. Bon, alors, c'est pas notre faute. Non, écoutez bien, on était imbéciles, donc on le voyait pas. Dans le déboisement. On massacrait pas la nature. Massacrer la nature, ça veut dire, tiens, ma tabarnouche, là, on coupe tout ça, là, on massacre la nature. Mais on connaît rien, on n'a pas le choix. Les pays développés, là, ils ont 3 ou 4 petites fourches de branches qui poussent, puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent ça, puis ils font brûler ça. Puis là, ils ont des déserts. Parce que, non, ils sont pas conscients. Au moment où ça a été fait, c'est vrai. Et voilà. Donc, l'humain n'a jamais massacré la nature. Okay. Si on vous aurait dit à l'époque là, qu'il fallait pas faire telle chose, est-ce qu'on l'aurait fait? Ben oui, non. On est bien trop du bon monde. On l'aurait pas fait. C'est évident. Mais pensez-y! On l'aurait pas fait. Bon. Tout ce que vous avez fait comme connerie depuis dans votre vie, là, si vous auriez su clairement sur le moment, vous l'auriez pas fait. On est du bon monde. Ça, c'est ça l'humain. L'humain, c'est ça l'humain. Mais toutes les stratégies pour faire en sorte qu'on soit amasse à terre, là, pour nous faire croire qu'on n'est pas correct, on est sur une planète refroidie. Elle est peut-être déchue. Pas l'homme. Pas l'humain. L'humain n'est pas déchu. Puis à travers l'expérience, je l'ai compté dans plein de conférences, on saute un peu là-dessus, mais ce qui est important, c'est pas nous autres, on est correct. Il n'y a pas une connerie que vous auriez faite si vous auriez su que c'était une connerie. Quelqu'un va dire, oui, mais je savais que me droguer, c'était pas bon, je me suis drogué quand même. Mais non, quand tu as commencé à fumer, là, quand tu le prenais, tu savais pourquoi c'était pas bon. Là, tu savais pas. Est-ce que les enfants teflons sont libérés des mémoires du passé? Non. Les enfants teflons sont totalement là-dedans, puis il y a une grande partie de leur souffrance, de leur travail, ça va être justement d'arriver à s'en désassujettir. Mais les enfants teflons, ce sont des diamants qui sont un petit peu plus parfaits du point de vue de leur naissance que ce que nous étions. Mais encore là, si la personne qui taille le diamant n'est pas expérimentée, elle peut tout massacrer l'affaire au complet. L'enfant teflon, c'est un enfant nouveau, qui n'est pas un homme ou qui n'est pas une femme nouvelle, c'est-à-dire que c'est un potentiel intéressant, puis dans un cadre nouveau d'éducation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, il devrait s'émanciper facilement. Autrement dit, il devrait avoir le droit de voter à 12 ans. Un enfant nouveau, là, qui est éduqué dans un cadre adapté à lui, là, ben à 12 ans, là, il comprend tout ce que les adultes comprennent sans problème, puis il comprend même plus. Sauf que dans les cadres traditionnels, ben justement, lui, il va essayer de se normaliser, il va essayer de se faire récupérer par les mémoires du passé, il va essayer d'être dans la gang comme tout le monde. Il essaie d'être épais. Il va tout faire des mécaniques, etc., parce qu'on ne l'instruit pas suffisamment, mais il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. L'enfant teflon est en contact avec l'intelligence supramentale. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas la conscience pour savoir que lui a le contact. Puis comme les adultes, dans le système traditionnel, ont de la difficulté à supporter un jeune qui est un peu trop émancipé, qui est trop rapide, ou un jeune qui a raison quand on a tort, c'est qu'il nous dit des affaires, bien, nécessairement, le contexte éducationnel, familial et scolaire fait en sorte qu'on les enterre un peu. L'enfant teflon n'est pas libéré des mémoires du passé. Mais il en souffre un peu plus, donc il est plus facilement dissociable. Il pourrait plus facilement se rééduquer. Marie-Madeleine est-elle nécessairement près du Nazaréen présentement, ou si les réincarnations ne se suivent pas? Marie-Madeleine, c'est présentement, elle est encore en processus réincarnationnel circulaire. Ça veut dire qu'elle se réincarne là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis elle s'en promène. Alors, elle n'est pas réincarnée complètement. Il y a une partie de Marie-Madeleine qui est réincarnée près du Nazaréen, qui est elle est digérée. Mais c'est une réincarnation qui est circulaire, qui est saltatoire, ce qui fait qu'elle n'est pas atterrie chez une personne là, pour dire c'est Marie-Madeleine. En plus, Marie-Madeleine, il faut bien comprendre que Marie-Madeleine, c'est deux femmes. Il y a Marie et Madeleine. C'est pas la même. Quel est le racisme dans la réincarnation, comme tu dis, c'est des possessions, c'est pas une réincarnation. Elle n'a pas possédé encore quelqu'un. Non. Quel est le racisme de l'homme évolué ou de l'initié? Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, puis il y a ceux qui représentent la peste. Puis le racisme de l'initié, il est là. Il est sans appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un initié ne perd pas son énergie, son temps, sa vie, etc., avec des individus qui ne peuvent pas le comprendre. Ça veut dire qu'il n'a pas à parler. Alors, une personne vient le voir, puis lui dirait, écoute, j'aimerais savoir telle, telle chose, puis l'initié va dire, écoute, toi, non, ça sert à rien qu'on se parle, c'est bon. Puis s'en va, puis. Il est bien épais, il est bien bête. Exact. Bravo. Sauf que l'initié étant un être initié, demain matin, si la personne peut comprendre, il n'est pas raciste avec elle. Il est raciste, puis quand on parlait de raciste, c'est un terme que j'aime employer, parce que les égaux doivent faire confiance à leur intelligence pour comprendre la valeur du mot raciste tel que je l'emploie. Donc je l'aime parce qu'il fait travailler en même temps. Pourquoi raciste? C'est simplement ça. Une personne qui ne peut pas comprendre là, ça ne sert à rien de perdre son temps avec elle. Demain, elle peut comprendre, c'est plus la même personne. Là, elle fait partie de ceux que vous acceptez. Bon, alors n'importe qui, c'est comme ça. Hein? Vous avez un problème avec quelqu'un, puis il est tout le temps en train de vous têter, puis vous têter, puis vous têter, puis vous têter, puis vous têter, vous devriez être raciste. C'est là on devrait être raciste. Puis c'est lui dire, écoute, on n'a rien à se dire. Je parle pas. Pas aujourd'hui. Non, c'est fini. On coupe. C'est pas des pourquoi, c'est pas parler, rien. On coupe. C'est pas la personne, ça peut être le temps, l'état. Oui, puis 2 heures après, la personne, tu la revois, puis là, elle est correcte. Fait que là, tu y parles. Pas 2 minutes après. 2 minutes après. Mais là, tu lui parles. Le raciste de l'initié est un raciste d'initié. Pas raciste. Eux autres, ils comprennent pas. On le parle pas. Rien à voir. C'est pas ça du tout. Hein? 2 heures après, 2 minutes après, la personne a peut changer de plan. Puis 2 jours après, puis elle n'est plus dans ce plan-là. Je travaille avec des personnes, moi, souvent, c'est ce qui arrive. Ils sont bien corrects. À un moment donné, ils prennent une pause. Puis là, ils veulent jaser. Là, moi, je leur dis, ça sert à rien. T'sais. Si tu veux me têter, j'ai rien contre. T'sais. Viens au tennis, suis-moi. Mais fais-moi savoir. Je prends ce qui tombe. Puis quand ta personne elle commence à se reprendre un peu en main. Je joue au tennis avec toi, ce qui tombe, c'est les balles. Et puis, La prochaine fois, je vais jouer avec, ça va être les raquettes qui vont. Mais c'est pas grave, je me suis acheté un sac de balles. Fait que moi, je suis pas proposé à ramasser, mais écoute bien. Comment trouver son trou, sa réalité? Est-ce que notre réalité, c'est un trou? Oui. Comment faire pour trouver son trou? Il faut être capable de supporter l'attente active. Alors, quand ma tante? L'attente active. Ah, c'est ma tante et elle. L'active attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit se conscientiser, elle doit travailler sur elle, elle doit intelligencer les choses. C'est extrêmement important parce que c'est uniquement par sa sensibilité d'intelligence qu'elle va être capable de reconnaître que c'est pas son trou. Quand vous allez être dans le trou, là, dans n'importe quelle circonstance de votre conscience, vous allez le savoir. Le problème qu'il y a, c'est que tant que vous n'êtes pas dedans, si vous n'êtes pas conscient, vous ne pourrez pas savoir que vous n'êtes pas dedans. Comme l'humain n'a pas goûté c'était quoi être dans son trou, mais là, à un moment donné, il est dans des bebelles, puis il travaille pour aller chercher ça, puis il s'essaye, puis il pense que c'est son affaire. C'est pas son trou. Quand on est dans son trou, tout marche tout seul. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas qu'on n'est pas dedans. Puis on pense qu'on est dedans, ou qu'on peut être dedans potentiellement. On pense qu'on est dedans, ou encore on veut créer le trou, on se met à creuser, puis on n'a pas de typo. On creuse à côté du trou, probablement. Bon, ça, c'est des grosses chances, alentour. Mais comment on fait pour se... Est-ce qu'on se laisse tomber dedans ou est-ce qu'on provoque... Non, pour trouver son trou, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut nécessairement... Premièrement, il faut comprendre. La personne qui se conscientise, son trou fait nécessairement partie d'un trou qui va lui permettre de se sortir de ses problèmes matériels. Sortir du trou. De se... Oui, sortir du trou. D'un trou qui va lui permettre de se sortir de ses problèmes affectifs. C'est pas dire d'être avec une personne. OK? Ça veut dire que la personne sera nécessairement dans une capacité de monnayer son intelligence. Monnayer son intelligence, ça veut dire que par son intelligence, elle sera capable d'avoir de la matière, ce qui va lui donner du temps, puis elle pourra s'occuper de sa santé, parce qu'elle aura le temps, pourra s'occuper de tout ce qu'elle a à faire, elle pourra continuer à s'émanciper. Bon. L'intelligence pré-mentale, ça rend les gens riches. Sauf que tant que la personne a trop d'ego, ben ça rend les gens plus ou moins riches. Est-ce que le trou, ça peut être juste un état? C'est-à-dire que tu es avec... Tu as le bon emploi, le bon conjoint, la bonne famille, tu as tout ça, mais tu n'as pas l'état qu'il faut pour... Que non, la personne, quand elle trouve son trou, elle n'est l'employé de personne. Ben, un emploi, ça peut être... c'est pas un employé non plus. Ça peut être, à ton compte ou... Oui, non? C'est ça, mais tu n'es pas l'employé de... OK? Ça veut pas dire qu'il faut qu'on lâche tout son emploi. Quand on lâche son emploi, là, on tombe plus dans le trou. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, progressivement, la personne, elle va finir par être capable de trouver des mécaniques qui vont l'amener dans son trou. Alors, on n'a pas à rechercher le trou. À tentative, c'est quoi? C'est une mécanique paradoxale qui fait d'ailleurs partie de la transition. La personne doit être en activité, ça veut dire qu'elle doit faire des vérifications expérientielles de temps en temps, mais sans s'attendre à des résultats. C'est comme si elle attend, mais elle est active. Alors, un peu comme, j'aurai à être riche, je serai riche, c'est vrai. Mais si tu n'es pas dans l'attente active, tu ne seras peut-être jamais riche. Alors, la personne dans l'attente active, c'est un exemple que je donne, bon, on va dire, je vais m'acheter un billet de lettres une fois par mois, au cas. Fait qu'elle achète un billet une fois par mois, parce que si c'est le temps qu'elle soit riche, là, ben c'est une façon comme une autre de chercher de l'argent. Tu sais, c'est pas nécessaire de travailler puis de faire ci, de faire ça. Alors là, ça, c'est de la tentative. La personne, elle va faire des essais, mais c'est le monnayage de l'intelligence. Puis la personne doit faire attention, quand je parle de tentative, ça veut dire que, ah, oh, j'ai une idée géniale, puis là, elle se lance là-dedans, puis elle se lance là-dedans. C'est pas de la tentative, ça. Ça, c'est de l'activité, ça. Si c'était pas ça, son trou, c'est réglé, son affaire. Puis normalement, une personne qui est dans l'attente active, qui trouve son trou, dans son monnayage d'intelligence, elle aura probablement besoin, la majorité auront besoin d'être aidée par d'autres personnes qui sont prêts ou dans leur trou. Et la personne sera capable, au niveau de la finance, de partager énormément ce qui va lui arriver. Ce qui fait que c'est sur l'ensemble qu'elle va se libérer des contraintes matérielles, plutôt que sur une affaire qui va te mettre riche tout d'un coup, dans la majorité des cas. Pas attaché égoïquement au résultat. Très, très important. Toutes les lois de l'abondance, puis la continence au niveau de l'abondance, ça fait partie de ce que la personne doit faire. Alors, pour trouver son trou, il faut être dans l'attente active, puis encore une fois, plus vous allez être heureux, heureuse, mieux vous allez être avec vous-même, plus vous allez vous diriger là-dedans, si vous exprimez de l'intelligence. Alors, c'est pas de vouloir bâtir son trou. Pas ça, ça marche pas comme ça. Les choses se font tout seul à un moment donné. Il va arriver un grand bonhomme avec une espèce de bâton, un numéro 9. Ah oui. Et il va faire poc sur votre tête et il va avoir un trou. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Quand vous allez être prêt, le golfeur va arriver. Le grand golfeur. Le grand golfeur cosmique. Il va arriver. Il était bien équipé dans le golf plastique, le golfeur. Quand toi, tu vis le présent et que le conjoint est pris dans le passé, que faire? Ben, s'il fait faire le ménage. Soyez donc vous autres, nécessairement, si vous êtes heureux, il y aura des gens autour de vous pour être heureux, nécessairement. Nécessairement, si vous vous conscientisez, il y aura des gens pour vous dire que vous les faites souffrir. Nécessairement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer. Parce qu'à un moment donné, ils vont finir par se dire, ben écoute, là, ils vont suivre. C'est-à-dire, ouais, mais s'ils s'en vont, ils vont partir de toute façon. C'est extrêmement important de comprendre la chose. On ne peut pas se conscientiser, parfaire son évolution en pensant ne rendre personne malheureux. Parce que les structures astrales qui y agissent au niveau de l'évolution ont prévu de vous rendre coupable et de cette façon-là, elles vont agresser l'extérieur. Puis on va s'arranger pour que vous fassiez mettre ça sur votre dos. La personne a vie de présent, puis sa conjointe, son conjoint, sa conjointe vit dans le passé, ou etc. Restez donc vous autres. Il y a des comparaisons qui peuvent être faites du point de vue de la mécanique, pas du point de vue du respect de l'humain. Mais vos meubles, ils vous empêchent pas d'être heureux quand vous êtes dans le présent. Le conjoint ou la conjointe, c'est un meuble. Ça meuble sa vie. Je parle du point de vue de l'humain, c'est autre chose qu'un meuble. Je parle du point de vue de la réaction qu'on a là. Bon, l'autre est en train de regarder ses photos, ben l'autre est en train de parler du passé à tout bout de champ. Moi, je connais une personne comme ça, chaque fois que je la rencontre, elle me parle de ce qui s'est passé, là, j'étais même pas là, j'étais même pas en projet, moi, là. Bon. Puis c'est des affaires, puis dans son temps, puis les chemins de fer, puis elle a souffert, c'était pas vrai. Elle nous parle toujours de ça. Elle travaillait en Abitibi, elle partait de Montréal, il fallait qu'elle aille à Québec en train, parce qu'il y avait les trains partaient de là, elle peut pas y avoir. Bon. C'est correct, je la souhaite de faire à côté de moi, il faut que je la conduise à des places, puis je la laisse parler. Et puis elle est bien heureuse. Mais j'ai pas à m'en faire avec ça. Si je vivrais avec lui, ben, à un moment donné, elle finirait par parler autrement, parce que je finirais par lui dire, écoute, là, tu me parles, moi, ça me dérange pas. Moi, je t'écoute pas du tout, j'ai pas besoin de t'entendre parler. Si tu parles pour toi, si tu peux parler, ça va. Moi, je t'écoute pas. Puis, probablement qu'elle, elle continuerait à parler quand même, puis ça ne dérangerait pas. Puis, on finit par s'habituer, ça vient correct. Puis, progressivement, par imprégnation, on va finir par commencer à se centrer différemment. Si je me laisserais agresser par la présence de l'autre, bien progressivement, moi j'aurais tendance à venir comme l'autre. Je peux l'engueuler parce que c'est dans le passé. En étant moi-même dans le passé, pour pouvoir l'engueuler convenablement. On doit être prêt pour gagner sa vie. C'est quoi gagner sa vie? Réussir sa vie, s'en servir. On doit être prêt à perdre son emploi, sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, ses amis, toutes. Je ne dis pas qu'on doit perdre, je dis qu'on doit être prêt. Et j'ai déjà expliqué que dans la majorité des cas, ceux qui se conscientisent, lorsqu'ils sont royalement prêts à perdre, ils ne perdent pas. Mais tant qu'ils en ont besoin, tu as besoin d'un tel, toi, là. Mais là, tu souffres en maudit, hein, tu n'évolues pas fort, hein. Voilà. Moi, quand j'ai décidé que mes enfants, là, massacrez-les, charcutez-les, faites ce que vous voulez avec, banzai, je continue. On s'est lâché. C'est quelqu'un qui disait, ah, mais tiens, m'a dire ça, moi aussi. On va ramasser pour prouver à l'autre qu'il n'était pas sérieux. Alors, c'est... Soyez-vous... C'est sûr que tout le monde ne peut pas évoluer en même temps que tout le monde. Tout le monde attend après tout le monde. Ça fait toute l'importance. C'est la famille, on est nous autres, soyez-vous autres. Vous êtes heureux, là, puis l'autre, ça le frise bien raide, là. Ben, soyez heureux, c'est pas un cadeau. Ni pour l'un, ni pour l'autre. On se développe, on s'émance. Le sourire négatif de l'autre doit être comme l'orage. À un moment donné, il faut que ça nous touche tout. Progressivement, vous allez voir que orage ou pas orage, on passe un beau temps. Puis dans l'humain, il va finir par paraître beau lui-même. Lui aussi, il n'y a pas de problème. Ou il va s'en aller ailleurs. Si ça va ailleurs, c'est bon pour tout le monde. Les rigards veulent pas, puis les réincarnations. La semaine prochaine, le titre de la conférence, l'évolution à la conscientisation. 5 juillet. Ça fait pas trop de choses, il y a des horaires ces temps-ci, là, puis je doute qu'il y a certaines personnes là, qui ont agi mal. On est punis. Oui. Bonne fin de semaine.